Madame Vauquet calcula d'un seul coup d'œil le parti le plus avantageux et roula jusqu'à Mademoiselle Michonneau. « Allons, ma chère petite belle, vous ne voulez pas la mort de mon établissement, hein? Vous voyez à quelle extrémité me réduisent ces messieurs. Remontez dans votre chambre pour ce soir. »« Du tout, du tout !» crièrent les pensionnaires. « Nous voulons qu'elle sorte à l'instant. » « Mais elle n'a pas dîné, cette pauvre demoiselle, » dit Poiret d'un ton piteux. « Elle ira dîner où elle voudra !» crièrent plusieurs voix. « À la porte, la moucharde ! À la porte, les mouchards !»« Messieurs !» s'écria Poiret, qui se leva tout à coup à la hauteur du courage que l'amour prête au bélier. « Respectez une personne du sexe !»« Les mouchards ne sont d'aucun sexe, » dit le peintre. « Fameux sexorama ! À la portorama !»« Messieurs, ceci est indécent. Quand on renvoie les gens, on doit y mettre des formes. Nous avons payé, nous restons, » dit Poiret, en se couvrant de sa casquette et se plaçant sur une chaise à côté de Mademoiselle Michonneau que prêchait Madame Vauquet. « Méchant !» lui dit le peintre d'un air comique. « Petit méchant, va !»« Allons, si vous ne vous en allez pas, nous nous en allons, nous autres !» dit Bianchon. Et les pensionnaires firent en masse un mouvement vers le salon.